Alors, mon ami, très bien. Ça me précède, je suis un monsieur. Bien sûr que je suis un homme, je regarde mon père droit dans les deux yeux. Il y voit la force, la flamme qui me fait vibrer. Ils sont givrés, fils de pute, y'en a pas deux comme un tigré. Le fond, la forme et la manière, montons le rang sur nos valeurs. Après l'hiver, tu jettes ton salaire à Olivia Valère. Des montagnes de gré couche, j'ai commencé par vendre des douces. J'ai trop de frères, j'ai pas des douces. Si je suis dans le fer, je suis dans le V12. Dès le matin, la vie est dressée. On pique ta mère, on est pressé. L'équipe que des BZ4 des Max rentre dans la tête, on te fait un stésé. Elle est bien cambrée, je mets la fessée. Je vais lui faire l'amour pour la remercier. On va bien lui faire un parcours d'essai. On te blesse, ma mère, que ton décès. Y'a rien d'autre à faire que s'engraisser. Pas sous la couette, je me sens stressé. Cette putain de France nous a délaissé. Au moins pour rapport, on s'en agresser. Je vais pas me perdre. J'ai pas le temps faire la place à tous ces bâtards. Des robuta non gato kami plata. Frérot, j'ai dormi au mita. Des poteaux en mandat dépôt. Chasse avec les motards. J'passe la sec, j'allume un bédo. Y'a des affaires au dégât. Tu t'es max et fusil d'assaut. Jamais j'arrive en retard. Non, on n'est pas des mythos. Go, la parole fait le numbo. Fais le zay, pas les mythos. Faut mettre à côté, faut remplir le frigo. Fais le zay, pas les mythos. Faut mettre à côté, c'est qui sort le lambeau. Fais le zay, gros. Pour tous les membres de ma famille, charbonne dur, faut assumer tous les loyers. J'ai arrêté le temps dans le tourbillon de Mandemar, je me suis noyé. Le placard, c'est le bilan, trop souffert, putain ça paye. Je dors dans les draps qui viennent de Milan. Sur un bateau, je suis en Sardaigne. L'escorte est militaire, tu sais pas, tu devrais taire. Ma fille, elle a 4 piges, elle est déjà propriétaire. Faut monter les petits jeunes qui crachent tous sur la paresse. Faut péter le classe S, trop big up à ma S. Le CGD nous a élevés. On se trouve à tous 20 ans après. Nos enfants font du foot ensemble. Quand on revient s'ils savaient. La vie nous a bavé de cadeaux, fils de pute. On a dû braquer, faire du trafic de stupes. Frérot, j'ai dormi au mita. Des poteaux en mandat dépôt. Chasse avec les motards. J'passe la 7, j'allume un bédo. Y'a des affaires au TK. Du T-Max et fusil d'assaut. Jamais j'arrive en retard. Non, on n'est pas des mythos. Go, la parole fait le numbo. Fais le zay, pas les mythos. Faut mettre à côté, faut remplir le frigo. Fais le zay, pas les mythos. Faut mettre à côté, c'est